C'était un des piliers du chantier. Un pilier, ben le pilier commence à s'écrouler. Hein. Bon, allez. Je m'appelle Michel Giron, je suis un ancien du chantier, c'est vrai, parce que je suis rentré en 1949 ici, j'avais 19 ans. Donc vous voyez, 19 ans, et puis là aujourd'hui ben, j'en ai 79, donc ça va faire. Et j'ai 36 ans là-dedans. J'ai été viré en 1985 quand ils ont viré tous ceux qui avaient 85 ans et plus. Non. Alors, pas 85 ans. Pas 55 ans. 53 ans. 53 ans. 1985. Et là, c'est là que j'ai vu des gauches aller, parce qu'à 53 ans, il y en a qui avaient encore des enfants à l'école, et c'est vrai, ça va être. Et puis, alors, j'étais électricien à bord des bateaux pendant presque 13 ans. Vous voyez ça, 13 ans, et après j'étais 20 ans à l'entretien. Téléphone, électronique, ils ont toutes les machines maintenance. Et voilà, mon histoire simple. Alors moi je suis rentré 4 ans après lui, je suis rentré en 1953. J'avais fait 4 ans avant à Livette, et c'est le directeur de Livette qui m'a casé ici. C'était au chantier de Bretagne à l'époque, comme je vous ai dit, qui était sur le terre-plein à côté, là. Donc, lui aussi, il rentre au chantier de Bretagne, vous savez. Et donc, je suis rentré, donc, j'ai travaillé 5 ans à bord. J'ai eu l'honneur de travailler avec ce monsieur. C'était mon chef, parce qu'on travaillait, toujours par deux, hein, à bord du bateau. Hein. Il y avait le chef de gauche, celui qui avait le boulot en main. Et puis, il y avait la ganouche, c'est celui qui lui servait de l'arme. Le matelot, quand même. Alors, non, le matelot. Donc, j'ai été le matelot de ce monsieur. Et un jour, mon chef d'atelier est venu, tu pourras te démerder pour dessiner. Bah, j'ai dit oui, j'ai quand même fait un peu de dessin à Livette. Bon, bah, tu vas trouver l'ingénieur, chef du service, et puis je rentre au bureau d'études, électricité, et j'y suis resté jusqu'à mon départ aussi, moi, à 55 ans, en FNE, à Saint-Nazaire. Donc Michel et Michel. Voilà. Les deux Michel, oui. Ben, il m'a largement abandonné. Et ce qu'il y a de pire, il ne se rappelait pas, c'est qu'on a bossé tous les deux. Oui, c'est vrai. Je me rappelais plus trop déjà. Je me rappelais d'avoir eu comme matelot. Parce que moi, déjà, il y avait 4 ans que j'étais là, donc j'ai quand même déjà un ancien. Sur le Périgou. Je m'en rappelle plus. Hein. On faisait les cabines en sous-plomb. J'étais pas enchanté d'avoir des branleurs avec moi parce qu'il fallait tout leur apprendre. En fait, moi, j'étais avec un ancien du chantier. Il m'a rien appris, je me suis démerdé tout seul. Non, mais quand même, quand il y a un fil à manger chez lui, c'est moi qui vais. Donc c'est signe que les chiens savants, parce que les gars du bureau de dessin, nous à bord, on les appelait les chiens savants. Ils étaient aux ordres, oui, monsieur. Ah non, on les appelait les chiens savants. Donc pour moi, c'est un chien savant. Des chefs et tout. Le bureau d'études, avant, bon. Ah ben. Et à Saint-Nazaire, ils appelaient ça le rocher des dormeurs. Le bureau d'études. C'était rocher des dormeurs. Enfin, c'était. Oui, c'était pas méchant du tout. Bah non, c'est pas méchant. On avait bien les blagues et tout ici, voilà. Parce qu'on se connaissait pas tous, enfin de vue, oui. On était ici, mais... au départ, dans un chantier quand même qui était relativement un des plus petits. Non, Dubigeon qui était encore plus petit que nous, mais la Loire était plus importante que nous, le chantier de la Loire, et disons qu'on se connaissait pratiquement tous. Si on se connaissait pas de nom, on connaissait le surnom, ou alors de vue, on se connaissait, c'était quand même très familial, alors que moi qui ai fini à Saint-Nazaire, on est un numéro dans la masse, ah bah oui, bien sûr, c'est différent. Saint-Nazaire, c'est le gros, très gros chantier. D'accord. Nous, ici, on était des artisans par rapport à eux. D'accord. On faisait le bateau quand même. Hein. Oui, enfin, quand même, je veux dire, des fois, j'y pensais, tous les jours, au vestiaire, ou n'importe où, même dans le chantier là, tous les jours, je voyais des gars que j'avais jamais vu de ma vie, alors que c'est des gars qui étaient avant moi, peut-être, mais c'est vrai, parce qu'on pensait au vestiaire ensemble, mais on s'en allait chacun dans son atelier. Oui. Des fois, des gars, je n'en voyais pas. Hein, des fois, on parlait, il y a-t-il longtemps, je suis rentré en telle année. Ah bon, je savais pas. On se voyait comme ça, mais c'est tout, hein, quand il y a trop de monde. Hein. C'est pas comme une petite boîte où on est 50 dans l'atelier, n'importe quoi. Hein. Et c'est vrai, il y a des gars que j'ai jamais vus. Lancement, on le connaît par cœur. Hein. Parce que pratiquement après, quand j'étais à l'entretien, j'ai fait tous les lancements. C'est le son du lancement. Oui, quand le bateau est lancé, la sirène du chantier marchait. Et les remorqueurs. Et les remorqueurs qui avaient les abeilles qu'il y avait dans le port. À l'époque. C'est pour ça d'ailleurs, les premiers lancements qu'on a fait de la musique, c'est moi qui m'occupais de la sono. Je me rappelle du jour de ça, il fallait jouer l'hymne russe et après la Marseillaise. Ah bah oui, c'est alors, donc, avec crochu, j'étais sous les cales, avec magnéto et tout, dans l'après-midi, et ça est très bien. Le soir du lancement. Hein, c'est un bateau russe. C'est un bateau russe. Alors donc il fallait jouer. Ben pour les Russes. Pour les Russes. Donc on jouait l'hymne russe, mais un petit morceau, ouais. 20 secondes, 30 secondes, puis un petit bout marseillaise. Bon, je mets ça en route. Mon chef qui était plus loin, parce que je ne pouvais pas sortir des cales, il y avait les chaînes qui passaient. Plus fort, plus fort. Je mets plus fort, encore plus fort. Ben, il y avait les remorqueurs qui gueulaient à plein. Gueulait, la sirène. Ah, je mets plus fort. Oh, d'un seul coup, silence. Oh là là, oh là, le machin était à fond, l'ampli. Oui, c'est pas heureux. Ben, qu'est-ce que je fasse, moi, je peux. Ben non, ça avait été couvert. C'était les premiers essais, ça. Après, je dis, ben, juste, j'avais mis la ramasse arrière, juste un petit bout. Ah, ben non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a vécues ici qui étaient un peu bricolage. Hein. Mais là, le film, c'est une reconstitution. Oui, le film, c'est que. Ben, non, c'est si vous le verrez, vous, si vous avez le temps, vous pourrez le voir après. Oui. Ben, c'est un lancement qui a été filmé. C'est reconstitution d'un lancement. Oui, mais c'est un film qui prend des images. Oui, oui, depuis l'origine de la construction du bateau, enfin la préparation du lancement et le lancement. Oui, c'est une reconstitution, c'est pas un vrai. C'est filmé. C'est filmé ici. Quoi. Et le seul d'ailleurs, parce que autrefois on n'avait pas ni caméscope ni rien du tout, puis on n'avait même pas idée de prendre des photos, même pour le chantier. Ils ne se prenaient pas de photos comme aujourd'hui. J'avoue qu'à ce sens maintenant, même avec un numérique, on prend plein de photos. Mais il y a combien de. Il y avait les photos officielles faites par Dupuisson, qui est un photographe de la fosse, qui avait le droit de prendre des photos officielles. Il avait le... qu'on a un peu perdu, on en a récupéré quelques-unes. Mais ça n'a jamais été filmé à part un bateau qu'on a, d'ailleurs on entend la sirène là, un bateau qui a été filmé, c'est l'un des derniers, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait été un caméscope, on n'a pas trop su l'origine. Autrement on n'a rien récupéré, ça n'existait pas. C'était pas filmé en fait. Il y avait quelques photos du lancement, pour la direction, pour l'armateur, et c'est tout. Hein, il n'y avait pas de. Ça sera aujourd'hui. Même disons qu'on peut tout de suite faire une anecdote. Justement, également, on n'avait pas de photo de lancement, et il y avait comment on peut appeler ça, un gars d'école privée, mais enfin, disons, c'était un prof de la Jolie, oui, c'est pour ça que c'est. Non, c'était, il était sur la cale au lancement. Ah oui, puis. Il était sur la cale pour nous, quand on assistait au lancement, on était à chaque côté du bateau, le bateau, on le voyait passer devant nous, À une époque, c'était des bosses cassantes, on vous expliquera ce que c'est. Pour le freiner, et même dès qu'il rentrait dans l'eau, il y avait des gars qui étaient à bord, qui coupaient des filins, il y avait des ancres qui tombaient, justement pour le freiner. On était quand même tributaire de la largeur de la Loire. Hein. Et le type, il était en train de prendre des photos sur la cale, il a reçu une ancre sur la tête, il a été tué. L'ancre a été décrochée trop. Alors, disons qu'après, on n'avait plus le droit d'être à côté du bateau, on est parqué dans un coin, interdiction d'être sur les cales. Avec moi, galé. Mais moi, la question que j'aurais bien aimé revenir, c'est quand vous dites, par exemple, que vous travaillez à deux coéquipiers. Oui. C'est-à-dire que comment, quand vous veniez simplement travailler ici, où vous alliez pour vous changer, comment vous travaillez ensemble, vous êtes par deux, mais après, ça faisait partie d'une plus grande équipe. Comment vous, simplement... C'est-à-dire qu'ils se formaient des équipes de deux, comme ça, c'est pas nous qui les formions d'ailleurs. C'était les chefs d'équipe qui les formaient. Et lui, il avait les fiches de travail faites par les buveurs de sueur, qu'on les appelait. Bon, bref. Les buveurs de sueur, c'est ça. Les experts qui mettaient pour faire le temps de travail. Pour faire le boulot, quoi. Ouais. Alors, des fois, les fiches étaient très, très, très courtes. C'est pour ça qu'on les appelait les buveurs de sueur. Et donc, le chef recevait les fiches, il formait ses équipes de gars, puis toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et donc, il y avait le chef de gorge qui avait la gorge du boulot, quoi, disons. Et puis, il avait un compagnon avec lui il n'était pas question de dire de passer les outils. On travaillait ensemble. Mais lui, le chef de gorge était responsable du travail. Ben, c'est-à-dire que. S'il était mal fait, c'est lui qui se faisait engueuler. Quand j'ai sorti de l'Yvette, enfin le NNA, qui était le centre d'apprentissage de l'Yvette, on savait travailler la moulure en bois, sur un panneau de bois qui faisait 1m50 sur 1m50, avec des petites pointes et tout. Puis arrivé ici, dans le chantier, il n'y avait pas une pointe, hein. C'était des bâtons en tôle, en ferraille. Toi, tu as connu les câbles sous feuillère. Des gros câbles. Pour mettre un machin, il fallait faire un trou, tarauder, mettre un écrou. Donc ça, on savait pas. Donc il fallait, pour ça qu'on mettait un jeune avec un ancien, on apprenait le travail à bord des bateaux. On n'apprend pas ça en ville, ni à l'école, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il mettait un ancien et un jeune avec pour qu'on apprenne. Électricien, donc vous allez les installations électriques des bateaux. Ouais. Les nappes principales de câbles pour les groupes électrogènes, pour les tableaux principaux. Tout ça, on fait toute l'installation électrique. qui existe sur un bateau. Quoi. D'accord. Mais vous n'étiez pas à deux à faire toute la saison. Ah non, non, non, non, non. Non. On était une équipe de deux, là, mais il y en avait bien d'autres, bien voilà, sûr. Bah, il était une cinquantaine. Bon, donc, bah, après, vous étiez affecté à une parcelle du bateau. Oh, bah, ça dépend des points, non, tout, hein, non. Ça, oui, alors, il y a des gars aussi qui aimaient mieux travailler dans la machine parce que c'est des gros tuyaux, des choses comme ça. Moi, je préférais, j'avoue que. Dans les cabines. Moi, j'étais toujours. Les cabines, ils prenaient équipage et tout. Alors, quand ils rentrent avec moi, c'est ça qu'on faisait. D'ailleurs, dans les cabines qui faisaient comme une prison, ça faisait 3 mètres ou 3 mètres, hein, où il y avait deux lits dedans. C'était un petit coble sous plomb, hein, avec des petits colliers en laiton. C'était du travail d'artiste, en fait, si on veut. Mais sur les barreaux de ferraille, il fallait faire des petits trous, des colliers. Donc, c'est perçage et tout. Et puis, moi, à ce moment-là, je me rappelle dans mes souvenirs, comme je travaillais bien, sans me monter. Je montais les étages au fur et à mesure. Alors après, commandant, les cabines commandant, alors là, c'était la cage où vous travaillez. Et après, la passerelle, souvent. Donc, on restait. Et le chef savait, tiens, ben, l'équipe Intel, là, ils sont, on était peut-être 7 ou 8 équipes de 2 pour travailler dans les cabines. Et bien, l'autre bateau après, il nous redonnait les cabines à faire. C'est pour ça que je vais encore ouvrir une parenthèse. Ouais. On a travaillé pour la Marine nationale, c'était des bateaux militaires. Ouais. Et des séries de bateaux, on a fait donc 3 escorteurs pour la Marine nationale, on en a fait 4 pour le Portugal. Donc là, c'était des contrats vachement intéressants pour le chantier, parce que les bateaux étaient traités au même prix tous les 4. C'était pourtant une série. Alors, le premier qui était fait, le chantier, il mettait les mêmes gants au même endroit sur le deuxième. Alors là, il gagnait beaucoup d'argent, quoi. Bien sûr, c'était toujours avec le même prix. S'arrêtait pour un armateur privé. S'il y avait une série de bateaux, il aurait demandé des prix moins chers par rapport au premier. Des prix des autres. Je me rappelle, il y a des histoires aussi. On a fait des bateaux, il y a beaucoup de cabines. Enfin, les bateaux, les carteries qu'on a fait après, cabines. Bon, il y avait trop de gars dans la machine, et je me rappelle les équipes de deux qui travaillaient dans la machine. C'était les gros corps, pam, pam, pam, et tout. On leur a donné justement à travailler dans les cabines. On devait les retirer. Puis les petits corps sous plomb qui étaient là, pam, tout écrasé, parce que tellement habitué à taper sur les. Habitué à travailler sur les gros câbles, hein. Tout écrasé, dit enlève-moi de là, je peux pas, dit parce que nous il fallait prendre le câble en plomb, le lisser avec un chiffon, les petits colliers, les mettre 4 ou 6 à descendre, et puis eux qui travaillaient sur les gros câbles, un coup de marteau, ils écrasaient tout, et les gars disent autant renvoie-moi dans la machine, c'était du gros boulot et tout, hein. Parce que c'est ça la différence. Vous travaillez combien de heures par jour? Pour le? Combien d'heures par jour vous travaillez par Ah ben nous on travaillait presque 9 heures par jour, hein. Mais aujourd'hui ça serait un scandale, hein, parce que quand on dit. On faisait 54 heures par semaine. Hein. Ben oui, quand on revenait samedi matin en fin de bateau. Mais on était habitués. Hein. J'avoue qu'on embauchait, il faisait noir le matin, 7h-20 le matin. Hein. Et puis 2h le tantôt. Et le soir, finissait, il faisait presque noir, 6h30. Ben, c'était comme ça, on était habitués, mais c'est tout. C'était les horaires en 49-50. C'était à ce moment-là, c'était comme ça. Mais vous aviez un point de ralliement, c'est-à-dire là, pour aller voir votre chef en disant on va dans tel. Ah ben, il y avait l'atelier, de toute façon. Et après, on allait dans le bateau. Ah ben, on avait l'atelier qui était premier. Nous, c'est au deuxième étage. Hein. Deuxième étage, l'atelier des tiroirs, l'atelier des électriciens. Chacun avait un grand tiroir, des étaux pour faire les colliers, parce que les colliers, ils étaient pas chez tout fait comme aujourd'hui, il fallait le faire. Tout fait à la main. Tout fait à la main, parce que s'il y avait 50 copes dans une dalle, hein, un gros, un moyen, un petit, deux autres petits, il fallait faire des colliers qui épousaient la forme de tous les cobles. Donc ça se faisait là-haut à l'atelier. Ah oui. Alors que maintenant, ils ont des grandes goulottes, même oui. Nazaire, avec des énormes attachées du plastique. Ils foutent tous les cobles en vrac dedans. Et avec du plastique, des liens de plastique, voilà. Alors nous, en plus, quand j'ai rentré des vraies histoires, parce qu'il ne fallait pas qu'un coffre se croise. Je me rappelle avec Gonzo, dans les dalles. Les dalles, c'était une plaque de ferraille comme ça, avec des trous en travers. On passait les coffres dedans. Il ne fallait pas qu'un coffre passe dessus l'autre. Il fallait que tu saches que le coffre qui allait tourner à droite le premier. Alors là, c'était l'étude. Et alors, des fois, on faisait un trou là, on sortait par-dessus, et passait, on le ressortait à côté, parce qu'il ne fallait pas un croisement. C'était le travail d'art. Même pour rentrer un coffre dans l'intérieur, tu te rappelles, il fallait faire un arrondi à l'interrupteur, 7 fois et demi le diamètre du câble. On aura des souvenirs. Ben, au compas, on faisait ça. Parce que maintenant, tant que je rentre, puis c'est bon. C'est vrai. Hein. J'ai descendu la Loire sur le dernier bateau qui a été fait, le machin à Saint-Nazaire, le petit bateau, là. Avec dans ton essence, là. Non, celui qui est de. Qui vient de Brest, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, Liberté 1, là. Tu sais, le dimanche, je pense, là. Ah bon? Oui, bah t'étais pas là. Hein. Ah bah non, non, non, non. Et bien quand j'ai regardé, oh c'est pas possible, des machins avec du plastique, tout attaché du plastique. Ah ça, mais pas des paquets comme ça, du plastique et tout. Ben nous, notre chef n'aura jamais toléré ça, il fallait pas de croisement. Bon, bah d'abord. Ouais, on va aller se balader sur le, disons, sur le, restaurant, raconte.